s'abreuver dans tes rêves. Lui en veux-tu quand il vient? Couler en toi comme la sève. As-tu le temps quand il vient de l'admirer dans l'instant? Sais-tu qu'il vient s'abreuver là très, très souvent? En veux-tu quand il vient par surprise s'abreuver dans tes rêves? Lui en veux-tu quand il vient couler en toi comme la sève? Prends-tu le temps quand il vient de l'admirer dans l'instant? Sais-tu qu'il vient s'abreuver là très, très souvent? Et le connais-tu, ce cheval qui se fend dans la nuit? Son galop animal se fond avec la pluie. Ressens-tu sa puissance éclairée par la lune? Son corps fuselé, muselle des bruits de la dune. Connais-tu ce cheval qui se fend dans la nuit? Son galop animal se fond avec la pluie. Ressens-tu sa puissance éclairée par la lune? Son corps fuselé, muselle les bruits de la dune. Aimes-tu quand il vient par surprise s'abreuver dans tes rêves? Lui en veux-tu quand il vient couler en toi comme la sève? Prends-tu le temps quand il vient de l'admirer dans l'instant? Sais-tu qu'il vient s'abreuver là très souvent, comme un clin d'œil complice, un joli trait d'union? Glissez-vous sur le ciel de bien belle façon. Tu voudrais chanter pour lui faire, pour l'apprivoiser, mais ce cheval si sauvage n'est beau qu'en liberté.